d'ange dans ma vie qui a les cheveux tout bouclés. Elle a tout juste 8 mois et demi, elle s'appelle Chloé. J'aime ses yeux brillants, son regard perçant. Quand elle me fixe en souriant, je fonds complètement. J'aime la regarder, la voir s'agiter, ses petits bras et ses sont ceux d'une poupée. J'ai un petit ange dans ma vie qui a les cheveux tout bouclés. Elle a tout juste 8 mois et demi, elle s'appelle Chloé. Elle est fascinée par son frère aîné, ce grand qu'a 2 ans passé. Mais moi je ne suis pas pressé, reste un petit bébé. J'ai un petit ange dans ma vie qui a les cheveux tout bouclés. Elle a tout juste 8 mois.